L'actualité à Nancy et ailleurs. Audrey Rollin, vous êtes animatrice en charge de la programmation à la MJC des Trois Maisons. C'est ça. Et 2025 donc commence de bien belle manière parce que vous allez inaugurer une toute nouvelle salle de spectacle. Ce sera le 18 janvier. Vous l'attendiez depuis longtemps, cette salle ? Oui, on l'attendait depuis longtemps. Voilà, on a toujours eu une grande salle qu'on aménageait nous-mêmes à mettre les grands rideaux, les pendrillons de 5 mètres montés à l'échelle. Et voilà, ça nous prenait beaucoup de temps. C'était des choses qu'on louait. Et là, enfin, la MJC a investi, a pu investir en tout cas. Et maintenant, on a une salle de spectacle qui est prête pour toute proposition, sortie de résidence, compagnie qui voudrait proposer un spectacle. Donc oui, on est très très contents. Parce qu'avant, c'était vraiment compliqué parce que cette salle actuellement sert pour plein d'activités. Exactement. Alors elle est toujours polyvalente, mais c'est vrai qu'avant, elle n'était pas du tout équipée. Donc on l'équipait nous-mêmes en louant, je vous dis, bah voilà, les pendrillons, du matériel technique, etc. Et là, maintenant, alors la salle reste aussi une salle d'activité, puisque la MJC a quand même beaucoup d'activités. Donc, on va y avoir du cirque, du flamenco, plein d'autres choses. Mais maintenant, c'est vrai qu'en, je vais dire 5 minutes, c'est un peu exagéré, mais on peut l'habiller très rapidement pour en faire une jolie salle de spectacle. Alors, à notre mesure et à la taille de notre salle, mais voilà, maintenant, on est équipé. Alors, qu'est-ce qui a fait que, bah, justement, vous avez passé le cap d'investir ? Eh ben, écoutez, en fait, c'est notre trésorière qui a fini par nous dire que, bah, en fait, une MJC qui n'investit pas et qui ne se renouvelle pas est une MJC qui meurt. Et en fait, nous, ça faisait longtemps qu'on mettait des petits sous de côté dans l'idée de ce projet. Et là, enfin, on a pu avoir les moyens, en tout cas, d'une première étape, puisque dans l'avenir, on aimerait bien pouvoir y mettre un petit gradin. Mmh. Voilà, donc on a encore des petites choses dans l'avenir, mais en tout cas, actuellement, on a déjà un bel équipement. Et donc, il y a cet événement, une inauguration le 18 janvier. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, ça va être assez simple, entre guillemets. En fait, on organise une soirée concert. Donc, il va y avoir nos élèves qui ont un atelier d'ensemble instrumental, donc élèves de batterie et de guitare qui forment un groupe, donc qui vont ouvrir la journée. Et puis après, on a 3 groupes qui vont proposer un concert. Donc, le groupe des Mouchetois, dont notre collègue animateur Jardin fait partie. Ensuite, on aura les Morland Shakers, dont notre prof de batterie fait partie, et Head First, dont le prof de guitare fait partie. Donc en fait, c'est un peu maison, c'est entrée libre. On attend beaucoup de monde et voilà, n'hésitez pas à venir. Il y aura une petite buvette sur place. C'est sans prétention, mais ça va être une belle, belle soirée. On n'en doute pas et c'est à partir de 18h. Vous pouvez accueillir combien de personnes dans cette salle ? Alors, on est sur 100, 150. C'est pas une énorme jauge. Alors, c'est une plus grosse jauge que certaines salle de Nancy aussi, mais voilà, on a notre mesure à taille humaine, on va dire. Bien sûr, mais c'est aussi une possibilité sur le quartier, parce qu'il n'y avait rien jusqu'à Exactement. Maintenant. Oui, oui, oui. Ah oui, bah voilà, nous on est contents, évidemment, pour la MJC, c'est un projet qui était dans nos têtes depuis longtemps, mais on est surtout aussi très contents pour le quartier de pouvoir proposer de nouvelles choses, une salle, et faire venir peut-être encore un public qu'on n'accueille pas du quartier, parce qu'il y a toujours des gens qui passent un peu à travers, donc on espère aussi développer ce côté adhérent et faire venir aussi des gens qui n'ont peut-être jamais mis les pieds encore ici. Qui dit nouvelle salle dit une nouvelle programmation. Vous allez construire ça de quelle manière et vers quel type de spectacle aussi ? Alors, on va construire ça surtout sur la saison prochaine, puisque là, nous, on avait déjà beaucoup de réservations sur cette salle pour diverses associations, etc. Donc, on vise la rentrée prochaine avec une petite programmation. Donc, on aimerait pouvoir faire des séances pour les scolaires, pouvoir faire des séances jeunes publics pendant les vacances scolaires aussi, et puis faire des petites propositions sur des temps de week-end avec, pourquoi pas, des spectacles au chapeau, des sorties de résidence. On aimerait aussi tendre vers un accueil de compagnie qui pourrait créer chez nous et nous proposer des sorties de résidence, voilà. Que pour l'instant, au niveau du budget pour les programmations, c'est vrai qu'acheter des spectacles, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et les thèmes qu'on voudrait aborder, bah voilà, ce serait des thèmes un peu sociétaux sur la mixité, l'écologie, enfin voilà, faire des choses qui sont aussi en lien avec tout ce qu'on traverse en ce moment. Eh bien, les idées ne manquent pas, en tout cas. Oh, et le 18 janvier, eh bien, on vient à cette inauguration. C'est l'occasion de découvrir aussi bah, tout ce que vous faites d'autre à la MJC des Trois Maisons. Exactement. On sera heureux d'accueillir tout le monde, de répondre à des questions s'il y en a qui sont hors cette salle. Voilà, donc ouais, c'est aussi une belle façon d'ouvrir nos portes encore une fois bah, à Nancy et au quartier des Trois Maisons précisément. Et au-delà du 18 janvier, d'autres temps forts à venir ? Alors oui, nous, on va avoir aussi un autre événement le 15 mars, c'est le Palace. Donc c'est un grand banquet auberge espagnole en extérieur. Donc il y aura aussi un spectacle lumineux et ensuite une soirée dont le thème sera swing. Voilà, donc il y aura de quoi danser, il y aura une petite buvette. Donc ça, c'est un temps au mois de mars. Et on a un gros événement qui arrive au mois de mai, qui est la convention de jonglerie Bibas, qui se déroulera du 28 mai au 1er juin. Et là, c'est un festival où on accueille de nombreux jongleurs, des gens intéressés par la jonglerie, un public extérieur aussi qui vient voir des spectacles, manger une frite, boire un coup. Donc c'est 5 jours, 4 nuits. On propose un camping aux gens, un vrai festival. Donc ça, c'est notre gros événement de l'année. Et on ne manquera pas de vous redonner la parole pour parler de tout ça sur Fadjet. Merci beaucoup Audrey et bonne année. Merci à vous. Merci à vous aussi, meilleurs vœux. Merci à Audrey Rollin, animatrice en charge de la programmation à la MJC des Trois Maisons. La MJC qui vous attend donc nombreux le 18 janvier, c'est au 12 rue de Fontenoy à Nancy. Un site internet, bien sûr, www.mjc3maisons.fr. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.